Bonjour et bienvenue dans cette expérience guidée par la voix, interlude à votre lecture de l'article Restitution des savoirs en art vivant, récit d'expérience au cœur des sens et des savoirs du corps. Je vous invite à présent à vous lever. Prenez le temps de trouver votre posture verticale. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux pour prendre un moment ici, pour sonder l'état dans lequel vous êtes. Pour cela, vous pouvez porter votre attention sur l'ensemble de vous-même. Puis, de manière plus précise peut-être, sur la qualité de contact de vos pieds sur le sol. Sur quel plancher reposez-vous? Êtes-vous en chaussures ou pieds nus? Observez vos points d'appui et l'empreinte que vous laissez sur le sol. Vous pouvez porter votre attention à présent sur vos chevilles, sur leur niveau de détente. Vous pouvez poursuivre en portant votre attention sur vos mollets, sur vos genoux, puis sur vos cuisses. Quelle est la qualité de détente ou de contraction de vos jambes? Sont-elles pliées ou tendues? Quel est l'effort nécessaire pour que vous puissiez tenir debout? Votre voyage attentionnel vous conduira alors jusqu'à votre bassin pour sentir comment, dans ce carrefour, circulent les forces ascendantes et les forces descendantes de votre posture. Quel poids a votre bassin aujourd'hui? Puis remontez votre attention le long de votre colonne vertébrale. Est-il possible de sentir chacune des vertèbres lombaires, dorsales, puis cervicales, en appréciant la courbe de chacune de ces zones? Et dans ce tronc, peut-être, votre attention aura envie de se porter sur vos viscères, vos organes du ventre, ou sur votre cage thoracique, sur vos poumons, votre cœur. Que ressentez-vous? En termes de rythme, peut-être, de volume, de chaleur, de poids, de texture. Remontez enfin le long des épaules pour glisser votre attention le long de votre bras droit et de votre bras gauche. Sentez comment vos bras sont suspendus de vos épaules. Quelle est la qualité de sensation dans vos coudes, dans vos poignets? dans vos mains, dans vos doigts, jusqu'au bout de vos ongles. Et enfin, portez votre attention sur la tête et le visage. Observez comment votre tête trouve un point d'équilibre au sommet de vous-même. Observez la qualité de détente ou de contraction des muscles de votre visage, de votre front, de vos yeux, de vos joues, de votre mâchoire, de votre bouche, de votre langue. Je vous propose à présent d'ouvrir les yeux tout doucement pour laisser entrer la lumière à l'intérieur de vos orbites. Prenez le temps d'observer le changement de qualité peut-être de votre posture verticale, les yeux fermés et les yeux ouverts. Notez les sensations qui se transforment. Et appréciez ce qui vous entoure dans la salle dans laquelle vous êtes ou l'environnement extérieur. Où vous situez-vous actuellement? Prenez le temps d'écouter les sons qui parviennent à vos oreilles. Peut-être le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, le son de voix dans les pièces d'à côté, le son d'un ventilateur, ou peut-être le silence. Je vous invite à présent à prendre quelques pas, à marcher dans l'espace, quelle grandeur a-t-il? Quelles sont les couleurs, les matières qui le constituent? Y a-t-il des fenêtres, des portes, des objets? Des tables et des chaises. Prenez le temps de circuler dans cet espace en gardant cette conscience de la qualité de vos pas, de votre transfert de poids d'un pied à l'autre. Vous êtes dans une marche consciente. Puis, je vous propose de choisir un endroit pour prendre une pause. Un endroit dans lequel vous avez envie de vous arrêter. Et dans cette pause, je vous propose de refermer les yeux. Et à présent, de laisser émerger un souvenir. Le souvenir d'un moment de partage de savoir que vous avez soit offert, soit reçu. Visualisez là où vous étiez à ce moment précis. Quelle était la période de l'année? La période de la journée? Avec qui étiez-vous? Laissez revenir les sensations, les sentiments, les impressions. Qui était présent, présente pendant cette expérience. Quelles sont les traces que ce moment a laissées en vous? Que s'est-il passé dans ce moment pour qu'il devienne signifiant dans votre parcours? Comment ce moment existe-t-il encore à l'intérieur de vous? Que se passait-il dans ce moment important pour vous? Quelles étaient les conditions favorables à l'accueil de ce savoir que vous partagiez ou que vous receviez? Comment votre corps, vous-même, étiez impliqué dans cette activité, dans cette expérience? Je vous propose à présent de retourner vous asseoir ou vous installer là où vous étiez au moment de la lecture de l'article. Prenez le temps de prendre une position confortable, consciente et conscient des sensations qui vous habitent. Reprenez vos papiers ou votre ordinateur, en sentant la texture de la matière sous vos doigts. Comment vous disposez-vous maintenant à poursuivre la lecture de l'article? L'enregistrement sonore se termine. Je vous remercie pour votre écoute et vous laisse continuer à présent votre parcours dans les récits des expériences partagées.